Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce jeudi 16 mars 2023, nous sommes le troisième jeudi du mois et c'est notre rendez-vous mensuel habituel, le troisième jeudi du mois à midi, rediffusion à 19h et le lendemain dès 8h. C'est le rendez-vous avec la mémoire ouvrière et le rendez-vous Grémos, le groupe de recherche et d'études sur le monde ouvrier stéphanois. Et qui nous propose une nouvelle émission en ce mois de mars, troisième émission de cette année 2023. Donc on vous renvoie bien sûr sur le site dédié, gremos.fr, où vous retrouvez bon nombre de sources, ressources, articles, publications et autres actualités, ainsi que ces émissions réalisées mensuellement en ligne et donc écoutables, accessibles via la toile Le Net. Aujourd'hui, et en cette période d'intense mouvement social, eh bien une émission tout à fait appropriée puisque nous allons évoquer et parler avec nos invités bien sûr de syndicalisme dans le monde du spectacle avec un invité qui va vous être présenté d'ici un instant et une voix que vous avez peut-être peu l'habitude d'entendre pour animer cette émission Grémos, c'est celle de Roland Bouly. Bonjour. Bonjour. Comédien. Oui, et qui est aujourd'hui en charge finalement de l'exercice d'animation et d'entretien que vous allez mener et réaliser avec donc votre invité du jour. Je vous laisse les micros et la parole. Donc là, ça va être un exercice d'improvisation. Je me retrouve face à Serge Proust qui va effectivement parler de syndicalisme dans le monde du spectacle vivant. Serge, que l'on connaît en tant que aussi membre actif du Grémos. En tant que sociologue. Et c'est en tant que sociologue que je l'ai rencontré, donc c'est une manière de le présenter. C'était dans les mouvements de 2013, si je me souviens bien. Serge avait commencé à faire une enquête sur auprès des professionnels qui étaient en mouvement à cette époque contre les décisions de l'assurance chômage ou les menaces qui pesaient sur le monde du spectacle à ce moment-là. Donc j'avais été interviewé et depuis nous avons gardé le contact et j'ai toujours été très très intéressé par sa vision à lui, les retours qui sont d'ailleurs pas toujours flatteurs, pas toujours, qui sont un peu durs mais qui sont très éclairants donc sur le mode de fonctionnement des métiers du spectacle et entre autres sur le syndicat, la place des syndicats et des coordination, parce que moi je suis dans les deux, je suis à la fois syndiqué CGT, c'est-à-dire au SFA, et j'ai été président de la coordination des professionnels du spectacle de la Loire. Serge, je te laisse la parole pour faire un petit historique de cette relation-là des syndicats avec le monde du spectacle vivant. Bien, merci Roland. Oui, alors la thématique étant sur le syndicalisme dans le monde du spectacle, je vais peut-être rappeler rapidement d'un point de vue historique ce qu'est le syndicalisme, dans quelles conditions il apparaît, pour me recentrer progressivement sur le syndicalisme dans le monde du spectacle et puis venir plus particulièrement sur la situation du syndicalisme dans la période contemporaine, notamment autour de la mobilisation des intermittents du spectacle qui ont... Mobilisation qui est une lutte de 35 ans, puisque ça a à peu près démarré dans les années 80. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le syndicalisme est d'abord lié à la constitution du salariat, et ce n'est pas sans effet et sans lien avec ce dont on parlera un peu plus tard sur la question de l'intermittence. Donc, le syndicalisme apparaît véritablement à la fin du 19e siècle, donc lié à l'émergence du salariat, et donc du capitalisme industriel de cette période-là. Et donc, une des caractéristiques de ce capitalisme industriel, c'est les concentrations ouvrières et les ouvriers étant inscrits dans ce qu'on appelle une relation salariale avec un lien de subordination. Le lien de subordination, c'est un lien inégalitaire au sens où les salariés donnent leur force de travail. En compensation, ils reçoivent un salaire, mais en donnant leur force du travail, ils acceptent de rentrer dans un lien de subordination au sens où c'est le patron qui définit l'ensemble des conditions de travail, de rémunération, dans lesquelles seront inscrits ces salariés. Alors au départ, la relation elle est totalement inégalitaire. Il n'y a qu'à lire toute la littérature du 19e, évidemment, autour de Zola. Mais progressivement, les mondes ouvriers commencent à se constituer alors sous forme progressivement au départ de mutuelles, mais véritablement dans les années 1860 sous forme de syndicats, hein, qui donc on pourrait dire comme forme collective qui est chargée de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Alors dans le cas français, les syndicats ont mis du temps à être reconnus, hein, puisque la loi ne les reconnaît juridiquement que dans les années 1880. Et par ailleurs, ces organisations syndicales connaissent des situations assez différentes en fonction des pays, parce que par exemple en Allemagne et en Angleterre, les syndicats sont extrêmement liés aux partis sociaux-démocrates ou partis travaillistes. Par exemple, en Grande-Bretagne, les syndicats sont à l'origine du Parti travailliste et financent même encore le Parti travailliste. Alors qu'en France, il y a une tradition anarcho-syndicaliste et notamment il y a la charte d'Amiens qui impose l'indépendance syndicale à l'égard de toutes les organisations politiques. Alors cette organisation, cette indépendance, elle est plus ou moins forte, plus ou moins factice parfois, mais il y a un principe très fort qui fait que il n'y a pas les mêmes liens que ceux qui existent en Allemagne ou en Suède, etc. Une autre caractéristique très forte du syndicalisme français, c'est sa division. Hein. Vous avez actuellement en France 6 confédérations, alors que dans des tas de pays, l'Allemagne, l'Angleterre, vous n'avez qu'une seule confédération, même s'il y a des divisions internes. Bien. Et donc, c'est dans ce cadre-là que se développent à partir de la fin du 19e et au début du 20e des formes de syndicalisme dans le monde du spectacle. Mais ça s'adresse à des techniciens et des artistes qui sont inscrits dans un lien de subordination. Pendant très longtemps, ce lien de subordination n'existait pas. Tous les comédiens au XIXe siècle ne sont pas considérés comme des salariés, ne sont pas dans un lien de subordination, ils sont plutôt dans une relation de gré à gré, hein, c'est-à-dire qu'ils sont embauchés pour 2 jours, 3 jours, 1 mois, 6 mois, et puis cette relation de gré à gré, elle est évidemment une relation totalement inégale, c'est-à-dire que vous avez des grandes stars qui sont en position de force, et puis vous avez des comédiens de base ou des chanteurs de base qui sont jetables et corvéables à merci, hein. Donc apparaissent ces premières formes collectives là où c'est possible, et notamment au début du 20e, dans les orchestres, parce que les orchestres certains orchestres commencent à être constitués en collectif, en entreprise, les musiciens partagent des intérêts communs et donc commencent à s'organiser dans des syndicats à l'intérieur de la CGT, et même il y a dès le début du 20e quelques grèves de musiciens. Mais ce syndicalisme, tout au long du 20e, tout au long, disons, de la première moitié du 20e siècle, il est quand même relativement faible, marginal, sauf peut-être chez les techniciens du cinéma, parce que là aussi, il y a une identité de métier, il y a des formes de proximité, et eux, ils commencent à se syndiquer, à s'organiser collectivement. Et c'est par exemple eux qui mettent en place, eux avec les entreprises cinématographiques, qui mettent en place dans les années 30 les premières formes d'intermittence. Émergent dans le cinéma les premières formes, disons, de production par projet. Hein, c'est-à-dire qu'on rassemble une équipe pour tourner un film, par exemple. Ça peut durer 15 jours, 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois. Et puis, l'équipe, à un moment donné, elle disparaît une fois que le projet est fait. Donc, les techniciens ont des périodes comme ça, de latence, dans lesquelles ils n'ont pas d'activité. Et c'est pour combler ces périodes de latence où il n'y a pas d'activité que se mettent en place vraiment les premières formes de ce qui va devenir plus tard le régime de l'intermittence. Et pour les techniciens, hein, ce régime de l'intermittence va se prolonger, il n'y a pas de coupure, hein, il va y avoir un développement, et c'est uniquement dans les années 60 qui va se développer pour les comédiens. Mais donc ce syndicalisme-là, disons jusque dans les années 40, jusqu'en 45, il va rester quand même très largement marginal. C'était avec quelle forme de financement? Parce que s'il y a une forme d'intermittence qui s'installe, ça veut dire qu'il y a les moyens de payer donc des gens qui ils sont dans les périodes chômées. Oui. Et d'où vient l'argent? C'est un prélèvement qui est officiel sur les revenus de chacun des corps de métier qui participent. Voilà. D'accord. C'est le même principe, un financement collectif entre d'un côté les participations des patrons, des entreprises et les financements des travailleurs. On retient sur leur salaire une part qui sera affectée à ce fonds. Mais à cette époque, c'est catégoriel, c'est-à-dire que c'est spécifique... C'est spécifique aux techniciens du cinéma. Parce que les techniciens du cinéma... ils ont une qualification, c'est un métier, il y a un très haut niveau de technicité. Bon, donc, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Alors que dans d'autres secteurs, par exemple, dans le monde du théâtre, le niveau de technicité est quand même beaucoup plus faible. Les productions, dans beaucoup de théâtres, il y a une faible division du travail. Et donc, à la limite, des comédiens peuvent faire la technique, peuvent monter des décors, etc. etc. Tout le grand mythe, parce que c'est en grande partie un mythe, mais tout le grand mythe des troupes de théâtre, c'est aussi le fait que la division du travail est très faible. Les troupes de théâtre qui sont organisées autour d'une famille, par exemple, tout le monde fait tout. Alors que dans le cinéma, quand on arrive à un certain niveau de production, avec des coûts importants, des productions importantes, on arrive à un état relativement important de division du travail. Au fur et à mesure du développement de la technique. À un moment où la technicité, enfin la technologie, était moins importante, effectivement, dans tout l'appareillage, on va dire, sonore et lumineux du théâtre. Oui. Parce que là, maintenant, ça devient beaucoup plus difficile. Je parle pas de maintenant. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'au départ, la lumière, elle était très, très sommaire. Et puis après, il y a eu des inventions qui ont permis d'obtenir quelque chose de beaucoup plus varié, d'intervenir sur le spectacle d'une manière beaucoup plus artistique. Au départ, l'éclairage, c'est les bougies. Ce qui fait que dans les théâtres, par exemple, il y avait beaucoup d'incendies. Beaucoup d'incendies se déclaraient dans les théâtres parce que l'éclairage était aux bougies. Et donc, il suffisait que ça se prenne un peu dans les décors et tout flambait. Et par exemple, ce qu'on appelle le rideau de fer, il a été inventé justement au début du 19e siècle pour que, à un moment donné, s'il y a un incendie qui se déclare, le rideau de fer s'abat brutalement et limite tous les phénomènes d'appel d'air. Installer des bougies, tout le monde peut le faire. Et alors donc, comment se fait la bascule entre une forme d'intermittence catégorielle et l'intermittence telle qu'on la connaît actuellement, qui est au sein de l'UNEDIC, c'est-à-dire du régime général? C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est la bascule après 45. C'est-à-dire après 45, ce qui se développe, c'est ce qu'on appelle l'État-providence, c'est-à-dire un État qui intervient beaucoup plus dans l'organisation des relations sociales et qui régule davantage les relations entre les patrons et les salariés. Alors, il y avait déjà des phénomènes de constitution d'un État-providence dès la fin du XIXe siècle. Les premières assurances maladie, les premières formes d'accidents du travail qui se mettent en place dès la fin du XIXe siècle. Et parfois, ça se met en place, notamment ça se met en place en Allemagne et en Angleterre, parce que pour le patronat et la bourgeoisie de l'époque, c'est une manière, dans des pays, l'Allemagne et l'Angleterre, où il y a un véritable développement industriel et des concentrations ouvrières très importantes, développer l'État social, c'est une manière d'intégrer les travailleurs dans le monde capitaliste et de réduire l'influence du socialisme. Ce qui fait que, par exemple, en France, pendant très longtemps, dans les années 20 et 30, la CGTU, disons le courant communiste du syndicalisme combat ou est très réticent dans le développement de l'État-providence. Parce qu'il a bien vu que cet État-providence, le développement des assurances par exemple, c'était une manière d'intégrer ces travailleurs dans la société capitaliste et d'un certain point de vue de neutraliser un peu les potentialités révolutionnaires de la classe ouvrière. Donc dès la fin du 19e où, au cours de, disons, dans les années 1920-1930, se développent les premières formes d'État-providence, assurance sociale, retraite, mais ça reste encore fragmentaire. Hein, ça touche certains groupes. En 1945, ça se généralise. Bon, l'assurance maladie, les systèmes de retraite, etc. Et progressivement, tous les secteurs du salariat sont touchés par ça, et les secteurs du non-salariat. D'accord ? Et la CGT, qui est en 1945, qui est syndicat unique, hein, est au cœur de ce développement-là. On parle d'Ambroise Croizat, par exemple, hein, qui est un ancien dirigeant de la CGT, qui est un député communiste. Ambroise Croizat est un de ceux qui met en place la sécurité sociale. D'accord ? Donc on est dans une logique différente. La CGT, comme le Parti communiste, ne sont plus dans une réticence radicale à l'égard de ce développement de l'État-providence. Au contraire, ils tendent à être au cœur du développement de cet État-providence. Est-ce qu'on peut dire que ça a un rapport ? Il peut y avoir un parallèle entre la décentralisation, l'augmentation du nombre de centres dramatiques nationaux, et puis la mise en place de l'intermittence dans le cadre du régime général. Parce que, en même temps, il y a la question que je pose, qui est annexe, enfin, qui n'est pas sans importance, c'est quelle est la représentativité des syndicats par rapport à la population des artistes et techniciens du spectacle. Alors, donc, se développe cet État-providence dans les 45 et en 1945, et la CGT est très présente dans certains secteurs de la culture, hein, et notamment toujours dans le cinéma. D'accord ? Bon. Et là aussi, elle s'appuie principalement sur les techniciens. Bon, la CGT est aussi très présente parmi les comédiens. Alors, au fond, même si c'est pas comme chez les dockers, il fallait à une certaine époque, hein, c'était le closed shop, il fallait être syndiqué à la CGT, puisqu'il n'y avait que la fédération, pour pouvoir avoir accès à l'emploi de docker. Hein. Il y avait comme ça les imprimeurs, etc. Quelques métiers dans lesquels l'adhésion au syndicat était la condition d'avoir accès à l'emploi. Ce qui arrangeait tout le monde. Hein. Ce qui arrangeait aussi les employeurs, parce que ça déléguait au syndicat la gestion des emplois. Bon. Donc, dans le monde du spectacle, c'est pas du tout ça. Mais en même temps, quand on discutait, parce que maintenant ils ont à peu près tous disparu, mais quand on discutait avec des comédiens qui avaient débuté dans les années 50, au fond, on avait les premiers emplois et globalement on adhérait à la CGT, au syndicat. C'est parce que ça faisait partie d'une culture politique, d'une culture syndicale, d'une culture professionnelle. Hein. Et ce qui se passe, c'est que dans les années 50, il y a peut-être beaucoup de gens qui veulent devenir comédiens, mais il y a quand même relativement peu de comédiens. Hein. Et donc, il va y avoir la CGT, le syndicat des comédiens, va être un syndicat hégémonique. Et même quand il va y avoir la scission entre la CGT et Force ouvrière, hein, quand Force ouvrière se crée, dans beaucoup de syndicats se pose la question de est-ce qu'on reste à la CGT, est-ce qu'on va à FO, et puis il y a des fédérations qui scissionnent, en quelque sorte. Hein. Il y a une partie qui reste à la CGT et puis une partie qui reste à FO. Eh bien, dans le monde du spectacle, globalement, notamment chez les comédiens, tout le monde va rester à la CGT. Pas forcément parce qu'ils sont très communistes ou qu'ils sont proches de la CGT, mais là aussi, c'est une culture professionnelle d'être ensemble, hein, d'avoir une identité de métier. D'accord ? Et donc, ce qui fait que la Fédération du spectacle de la CGT, notamment parmi les comédiens, elle n'est pas très politisée. Elle est plutôt dans une logique professionnelle. Elle est moins politisée et moins marquée par l'influence communiste que dans d'autres fédérations. Encore que, dans les années en 58-59, Gérard Philippe, hein, qui est un compagnon de route du Parti communiste, comme on disait à l'époque, devient le principal dirigeant du syndicat des artistes de la Fédération du spectacle CGT. Hein. Mais il y a une culture professionnelle, ce qui fait que, par exemple, après Gérard Philippe, Jean-Paul Belmondo devient président du syndicat des comédiens, CGT. Bon, il fait ça parce qu'il est connu, etc. Mais il n'a pas le même engagement politique que Gérard Philipe. Et donc, dans les années 50, il y a cette unité syndicale, mais qui est une unité professionnelle. Ce qui fait que, par exemple, la CGT a mis en place un bureau qu'ils appellent le bureau V comme vedette. Parce que ce bureau s'adresse particulièrement aux vedettes. Parce que la CGT a bien compris que si elle veut rassembler tout le monde, il faut qu'elle soit dans cette logique davantage professionnelle et moins revendicative. Et de toute façon, en tout état de cause, dans les années 50, les comédiens, c'est d'abord le cinéma et d'abord ce qu'on appelle le théâtre privé. Pour répondre à ta question, le théâtre de la décentralisation, jusque dans les années 60, ça concerne peu de monde. Oui, mais ça crée un mouvement, parce que quand il y a eu aussi des écoles, il y a eu après des créations de petites compagnies autour de centres dramatiques nationaux, et petit à petit, ça a essaimé. Oui, mais ça, c'est les années 60. C'est les années 60. Ah oui, mais ça permet de progresser un peu dans le temps. Oui, ça permet de progresser. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça, c'est que jusque dans les années 50, bon, le syndicalisme dans le monde du spectacle, il touche des groupes relativement peu nombreux. Et puis, on est encore dans une situation où, à la fois dans certains aspects typiques du salariat se développent, l'assurance maladie, etc., mais d'autres aspects ne se développent pas, par exemple la question du chômage, parce que les artistes ne sont pas reconnus comme salariés. Juridiquement, ils ne sont pas reconnus comme salariés. Et donc, à ce titre, comme ils ne sont pas reconnus comme salariés, il y a un certain nombre de droits auxquels ils n'ont pas droit. Et notamment, la question du chômage. Alors, évidemment, ce qui va changer, c'est les années 60. Il va y avoir plusieurs phénomènes congruents. Premier phénomène, c'est le développement des politiques de l'État en faveur, disons, du spectacle vivant, avec les centres dramatiques, avec les maisons de la culture, et puis progressivement, l'État va financer des compagnies indépendantes. Mais il va financer avec beaucoup de réticence. Moi, j'ai retrouvé des débats dans les commissions d'aide, de subvention des années 60, où, bon, prenons, ils subventionnent Planchon. Et puis, il y a quelqu'un d'autre de Lyon qui demande une subvention. Et là, les gens de la commission disent « Oh là là, il y a déjà Planchon qu'on aide, peut-être Marcel Maréchal, mais on n'ira pas plus loin. » Bon, alors on sait qu'à partir des années 70 et 80, ils vont aller beaucoup plus loin. Donc, premier phénomène, l'expansion, disons, des financements publics. Deuxième phénomène, il y a de plus en plus de gens, de jeunes qui veulent rentrer dans ce monde-là. Donc ils exercent une pression pour faire qu'il y ait une offre théâtrale ou de spectacle qui soit de plus en plus importante. Bon, troisième phénomène, la structure de la population change, il y a de plus en plus de diplômés, et donc ces gens-là, ils veulent voir des spectacles. Et puis effectivement, un des aspects qui va être très important, c'est en 69... Il y a des décisions juridiques importantes qui font que les artistes sont reconnus comme salariés. Et alors, ils sont reconnus par salariés par défaut. C'est-à-dire, ils sont salariés dans la mesure où ils ne sont pas inscrits dans une relation de commerce. Donc, comme par défaut, ils ne sont pas commerçants ou ils ne sont pas profession indépendante, on va dire qu'ils sont artistes. Et donc, ils sont salariés. Et donc, à ce niveau-là, à partir de là, eh bien, on va leur reconnaître l'ensemble des droits des salariés, et notamment, ils vont pouvoir être intégrés dans le régime de l'intermittence. Voilà, donc ça va être l'objet de la discussion après la pause musicale. C'est tout à fait intéressant, effectivement, de voir comment ça peut changer tout le paysage culturel à partir du moment où l'intermittence a été créée. On fait une petite pause musicale avec une proposition de ta part, Roland, qui souhaitait un fado. Alors, il m'est venu à l'esprit une de ces chanteuses de la région, Karina Salvado, qui est une artiste qui a émergé dans ce paysage musical du fado en 2007 environ, et qui est produit par un label, ici même basé à Saint-Étienne, qui est Z Production, distribué par également une structure locale et régionale, mais qui a très largement maintenant dépasser nos frontières en termes d'activité. C'est Inouï Production. Elle vient de sortir un album il y a 2 ans de cela. Alors on n'est pas dans du fado pur, on est dans un fado pop, voire blues du Portugal, comme elle aime à l'identifier ou le définir. Ce dernier album donc est sorti en avril 2020 via Z Production, Fado Pop. Je vous propose, puisque nous évoquons le syndicalisme dans le spectacle vivant, de parler et d'écouter du vivant, c'est-à-dire que c'est une session live en concert qui a été enregistrée il y a 1 an de cela au château de Courbeville. Elle est accompagnée de Ben Richou à la guitare et de Patrick Maradan à la contrebasse. Karina Salvado donc sur le 895 de Dio dans cette émission Grémos. A nossa mão tenta parar o tempo, o coração. Aquela dor, o vento fala, a pedra faleceu e o céu dá-me lua e força, canção do mar. Mas o céu fala mudo. Irina Salvado, dans la lignée des grandes Fatis Das du XXe siècle, narratrice en même temps de son propre fado, donc un live enregistré il y a un an de cela au château de Courbeville avec ses musiciens. Elle est accompagnée ici, on l'a entendu pour ce live, de Patrick Maradan à la contrebasse et Benoît Richoux à la guitare, qui l'accompagne également sur son dernier album. On peut aussi entendre sur ce dernier opus Fado Pop, le bugle de Fred Roudet ou encore le piano de Thibaut Sabi. Et trois titres même ont été sublimés sur ce dernier album par un quintet à cordes de l'Opéra de Lyon dirigé par Pierre Adenau. Voilà pour Karina Salvado. On retrouve notre émission du Grémos aujourd'hui, consacré au syndicalisme dans le monde du spectacle, avec Serge Proust, sociologue, chercheur associé au Centre Max Weber, membre actif du Grémos, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, et puis animateur par ailleurs, tu connais très bien la question syndicale, puisque animateur scientifique de l'Institut du Travail de Saint-Étienne. Une émission aujourd'hui présentée, animée, en présence de Roland Bouly, donc comédien, membre du SFA, comme tu l'indiquais, Roland, et qui a été un des responsables de la coordination locale au cours des années 90-2000. Et on continue ensemble à cheminer, à avancer, étudier le syndicalisme dans ses activités liées au spectacle vivant. Alors, on aborde donc un tournant qui est assez fort, c'est la généralisation de l'intermittence du spectacle. Et donc, ce qui m'intéresse, Serge, c'est que tu parles de ce que ça crée dans la relation au syndicat, puisque ont émergé avec les premiers conflits autour des modifications de l'UNEDIC, ont émergé donc les coordinations locales, qui sont beaucoup plus volatiles, plus passagères que ne l'est le syndicat, qui lui est ancré. Il y a une continuité réelle dans le syndicat, une structuration beaucoup plus forte que les coordinations. Alors, pour comprendre la situation dans le contexte actuel, disons depuis deux ou trois décennies, du syndicalisme dans le monde du spectacle, il faut bien comprendre la chose suivante. C'est qu'au fond, on a trois types de salariats. On a un salariat classique dans les grandes institutions qui est le fait dans les personnels administratifs permanents, parmi les techniciens permanents et parmi les musiciens permanents des institutions. Donc là, on a un salariat classique qu'on appelle un salariat keynésien, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui sont en CDI, qui sont encadrés par des conventions collectives. Donc ils travaillent à temps plein, ils sont encadrés par l'ensemble des institutions de l'État social, de l'État-providence. Ils ont une qualification et donc leur carrière peut se dérouler comme, je dirais, n'importe quel type de salarié qui est dans une grande entreprise. Hein. Ça concerne donc les personnels administratifs, les techniciens permanents, mais aussi des fractions de musiciens des grands orchestres, hein, et qui à la limite peuvent certains se considèrent eux-mêmes comme des OS de la musique, oui. Hein, parce que ils ont à la fois une situation stable, mais en même temps une reconnaissance artistique relativement limitée, même si ce sont, comme ils sont dans les orchestres, ils ont passé des concours régulièrement, on teste, donc ça peut être de très bons musiciens, mais ils ne connaissent pas la carrière des solistes, etc., etc. Donc là, on a un salariat assez classique dans lequel les syndicats, et notamment la CGT, est puissante. Hein. Ou en tout cas l'organisation collective est puissante, et donc ce sont des structures, on sait très bien par exemple dans certains, ils sont capables de faire grève, de bloquer des représentations, ça arrive régulièrement à l'Opéra de Paris, etc., etc. Donc là voilà, on a un salariat classique avec une organisation collective classique, un syndicat puissant qui est en mesure d'imposer des règles collectives et d'imposer le respect de ces règles collectives. Hein, et régulièrement, les syndicats affrontent les directions d'institutions ou leurs organisations représentatives pour non-respect des règles collectives. Hein, par exemple, récemment, la CGT a porté plainte contre le syndicat des directeurs d'établissements publics, directeurs de centres dramatiques, de scènes nationales, etc., parce qu'ils ne respectaient pas leur engagement. Donc voilà, on a un salariat classique. Hein. Bien, on a un deuxième salariat qui serait le salariat de la précarité. Et là, ça correspond globalement à l'intermittence. Hein. C'est-à-dire que salariat de la précarité et de la flexibilité, au sens, mais voilà, ils sont embauchés au projet. Hein? Alors le projet, et ils sont embauchés au projet, donc le projet ça peut être une semaine, ça peut être 15 jours, ça peut être un mois, ça peut être deux mois. D'accord ? Bien. Mais ce projet c'est 15 jours, mais avec le régime de l'intermittence, ils peuvent être déclarés, non pas pour 15 jours, mais peuvent être déclarés pour 4 jours. Hein, étant entendu que s'ils sont intermittents le reste du temps, c'est pas l'employeur qui paye, mais c'est l'assurance chômage. Hein. Si ils sont intermittents, reconnus comme intermittents au préalable. Mais donc, ce salariat de la flexibilité, c'est aussi un salariat qui a plusieurs traits. Hein. D'abord, il y a une grande part de travail invisible, non déclaré. D'accord. Il y a des liens qui peuvent être d'une extrême brutalité. Alors, en général, personne ne le dit, personne ne se l'avoue, etc. Mais quand on fait des entretiens, les gens nous racontent quand même que ça peut être de l'extrême brutalité, parce que évidemment, hein, l'intérêt de l'intermittence, c'est que on passe un contrat pendant 15 jours, et puis au bout de 15 jours, ben, on n'a même pas besoin de lettre de licenciement à faire, le contrat est terminé. Hein? Donc, c'est un salariat de l'incertitude. C'est un salariat du non-respect des règles salariales. C'est-à-dire, c'est le paradoxe de l'intermittence. Pour être intermittent, il faut être déclaré comme salarié, il faut être reconnu comme salarié, mais ce sont des salariés qui, globalement, ignorent, dans tous les sens du terme, les règles du salariat. Et ce ne sont, par exemple, officiellement, il y a une convention collective qui définit l'ensemble des règles, mais globalement, personne ne respecte ces conventions collectives. Dans ce secteur-là, dans les petites compagnies ou même dans les grosses compagnies indépendantes, personne ne respecte les règles collectives. Et si quelqu'un disait, mais moi, je voudrais bien qu'on respecte les règles collectives, mais globalement, une fois que son contrat serait terminé, personne ne le réembaucherait. Oui, oui, donc c'est un accord de l'ensemble des participants à un spectacle. Il y a un projet, on vise à réaliser ce projet et on se donne tous les moyens pour y arriver. Voilà. Voilà. Quitte à répéter gratuitement, quitte à faire des heures après l'heure officielle de fin de journée, etc. Quitte à demander aux comédiens de transporter, de faire un boulot technicien, de faire un boulot de roadies, etc., etc. Bien sûr, il y a un accord social. Ça fonctionne parce qu'il y a un accord. Mais ça fonctionne aussi parce que le marché du travail est totalement déséquilibré. Hein, c'est-à-dire que si quelqu'un refuse de le faire, en disant, ben, moi, la convention collective me dit que je ne peux pas, on sait très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il ne sera pas réembauché. Hein. On est dans un marché du travail complètement dérégulé. Donc, on a ce paradoxe-là. Et troisième salariat, qui est lié au second, c'est le salariat entrepreneurial. C'est-à-dire que ce sont des salariés qui sont des porteurs de projets et qui se comportent comme des entrepreneurs. La situation classique, ce sont les metteurs en scène de compagnies indépendantes ou les chorégraphes de compagnies, etc. C'est-à-dire, d'un côté, ils sont salariés pour pouvoir bénéficier du régime de l'intermittence, hein, et donc ils sont salariés dans une association. Leur employeur, c'est le président de l'association, officiellement. Bien, mais dans les faits, c'est eux qui sont les directeurs effectifs. C'est-à-dire que ce sont eux qui embauchent les autres, ce sont eux qui négocient les budgets avec les collectivités locales ou publiques, ce sont eux qui organisent les tournées, etc. Et globalement, hein, le président de l'association, au nom de qui tout se fait, n'a globalement pas voix au chapitre. Hein, parfois même, il a donné son tampon et puis... on tamponne, voire même on imite sa signature dans certains cas. Et c'est aussi le metteur en scène qui, quand il y a une réussite artistique, est reconnu et peut arriver à avoir accès ensuite à des scènes supérieures sans que les gens qui ont participé au spectacle, les autres, suivent le même chemin. Il n'y a pas d'éthique, on va dire, générale sur ce plan-là. C'est pas un problème d'éthique. Il peut y en avoir, mais pas... C'est pas un problème d'éthique. Mmh. C'est un problème que la manière dont est organisé le chant, le théâtre public ou la danse, public en quelque sorte, hein, fait que la personne centrale, c'est le metteur en scène. Alors que par exemple, dans le théâtre privé, la personne centrale, c'est la vedette. Dans le théâtre privé, on organise fondamentalement des productions autour des vedettes. Ça pouvait être, je sais pas moi, Claude Brasseur, Michel Bouquet, enfin, que sais-je. Hein. Alors que dans le théâtre public, la personnalité centrale, c'est le metteur en scène. c'est Chéreau, Vitesse, etc. Hein, on a allé voir le dernier Chéreau. Bon, alors que dans le théâtre privé, on va plutôt voir le spectacle avec François Berléand, par exemple. Hein. François Berléand et Nils Arestrup vont passer dans quelques temps à l'Opéra Théâtre de Saint-Étienne. Bon, les gens vont aller voir Nils Arestrup et François Berléand. Personne ne connaît le metteur en scène de ce spectacle. Bon, alors qu'à l'inverse, dans le théâtre public, à la Comédie Saint-Étienne, on ira plutôt voir le spectacle de tel ou tel metteur en scène ou metteuse en scène. Et quand il faut expliquer le spectacle, justifier qui est-ce qui parle au nom du spectacle, ça peut être parfois des comédiens, mais c'est d'abord les metteurs en scène, parce que ce sont eux les artistes les plus légitimes. Et donc, ces gens-là, puisqu'on en revient au salariat, ces directeurs de projet, donc ils sont à la fois salariés parce qu'ils veulent bénéficier du régime de l'intermittence, mais ils ont un rapport instrumental au salariat. C'est-à-dire qu'ils ont besoin du salariat pour eux-mêmes, mais aussi pour les gens qu'ils emploient. Ils ont besoin du salariat puisque ça ne va pas leur coûter extrêmement cher. Hein. Mais les uns comme les autres, vont se désintéresser et ne vont pas appliquer et vont ignorer les règles de la société salariale. Alors, on va même aller plus loin, parce que maintenant, tout le monde se retrouve dans le fonctionnement de l'intermittence du spectacle, puisque ça permet d'obtenir des spectacles donc chez les subventionneurs. Hein. Donc, les subventionneurs, ce sont les institutions comme la région, le département, les municipalités, pour des coûts moindres, relativement moindres, puisqu'il y a une partie qui est prise en charge par le chômage. C'est en ce sens qu'il y a un accord collectif. Il y a un accord collectif pour que ce régime fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a un accord des employeurs privés, publics ou associatifs, alors y compris dans les productions de la télévision. Hein. Tous les producteurs qui sont sous-traitants chez TF1 sont emplois des intermittents. Donc les collectivités locales sont d'accord. Hein. Par exemple, les techniciens qui montent les stands de la Fête du Livre, globalement, peut-être que ce sont des techniciens anglais, mais ce sont des intermittents du spectacle. Les choristes de l'Opéra Théâtre de Saint-Étienne sont des intermittents du spectacle. Donc il y a un accord collectif de l'ensemble de ceux qui sont dans ces secteurs-là pour l'usage de l'intermittence. Et pour ne pas respecter les règles du salariat. Et ça, c'est un des problèmes fondamentalement. C'est une des difficultés centrales de la CGT. Alors justement, là on arrive à ce moment-là où, qu'en est-il de cet écart, parce que moi je crois que je fais partie des rares personnes qui ont essayé d'avoir un pied dans chacune des zones, c'est-à-dire la syndicale et la coordination, qu'en est-il de cette séparation ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifie le maintien, l'appartenance à un syndicat ? Qu'est-ce qui fait qu'on refuse le syndicat et qu'on préfère se battre au sein d'une coordination ? Quels accords provisoires, ponctuels, se font entre les syndicats et coordination pour viser à un moment un objectif commun. Alors c'est ça, bon, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, hein, c'est ça qui est une des caractéristiques centrales, c'est-à-dire un des paradoxes. Le régime de l'intermittence est l'objet de mobilisation depuis les années 80, et de mobilisation qui sont puissantes, qui ont même conduit en 2003 à l'annulation de la plupart des grands festivals, et ce sont des mobilisations qui font peur. Hein. Un journaliste du Figaro a parlé de l'intermittence comme étant d'un cauchemar politique. Oui, d'accord. D'accord. Donc, ils font peur. Ça fait peur. Pourquoi ? Parce que, par exemple, les mobilisations d'intermittents ont, en quelque sorte, détruit la carrière politique de Jean-Jacques Ayagon. Hein. Bon. Et donc, ça fait peur. Et, par exemple, en 2016, les gouvernants socialistes, comme il y avait la perspective des primaires socialistes et qu'il y a la perspective des présidentielles, ils n'ont pas eu envie d'avoir une crise sociale pendant les festivals de l'été 2016. Eh bien, ils se sont alignés sur les positions des intermittents. Je rentre pas dans les détails techniques, hein, mais alors que depuis 10 ans. Les gouvernants, y compris les PS, étaient alignés sur des positions de la CFDT. Eh bien, la perspective des présidentielles, la perspective de la crise, d'une crise sociale pendant l'été, a fait que Manuel Valls a abandonné son soutien sur la CFDT et a repris les revendications des intermittents. Donc on a affaire à une mobilisation extrêmement puissante. Des coordinations. Mais plutôt que des intermittents, parce que les intermittents peuvent être syndiqués aussi. Oui, voilà. Mais donc disons qu'à ce moment-là, il y avait un accord entre les coordinations et la CGT. Donc on a une mobilisation extrêmement puissante dans laquelle la CGT a une position, disons, disputée. Alors pourquoi ? Donc il peut y avoir des alliances ponctuelles entre la CGT et les coordinations locales. Je ne rentre pas dans les détails des variations dans les coordinations locales. La CGT, elle est confrontée à deux problèmes. Premier problème, la question, je vais venir sur le salariat en deuxième point. Premier point, premier problème, c'est l'histoire de la CGT qui pèse. C'est-à-dire que dans des fractions jeunes, qui arrivent, qui peuvent être politisés à gauche, etc. La CGT a l'image d'une organisation bureaucratique, centralisée, pas démocratique, qui impose ses décisions, etc. Bon. Alors évidemment, l'histoire de l'influence puissante du PCF à l'intérieur de la CGT pèse encore un peu plus. Bon. Alors ce qui est assez amusant que la CGT ait cette image-là, alors qu'en fin de compte, à l'intérieur de la CGT, c'est le désordre. Ouais. C'est le désordre, c'est-à-dire le bureau de la Confédération, voyons par exemple les difficultés que rencontre en ce moment Martinez, et on va voir ce qui va se passer au prochain congrès. La CGT est une organisation beaucoup moins centralisée, où la direction confédérale a beaucoup moins de poids qu'à la CFDT, par exemple. Mais la CGT traîne, en partie pour des raisons historiques, et puis parce que c'est une organisation syndicale, elle traîne une image extrêmement négative en termes, voilà, je ne vais pas le redire, bureaucratisée, centralisée, etc. Oui, mais en même temps, elle a pris des positions. On a entendu des représentants de la CGT parler aux coordinations qui étaient, on va dire, assez cinglantes. Et le changement s'est fait au sein du SFA quand des anciens des coordinations, quand les combats, on va dire, ont cessé. Il y avait des gens qui avaient envie de continuer à s'impliquer dans la vie sociale. Ils ont adhéré au SFA. Ils ont adhéré en nombre suffisant pour pouvoir s'orienter différemment, changer le discours. Cours. Les positions ont été modifiées à partir de ce moment-là. Bien sûr. C'est-à-dire que la CGT a bien été obligée d'accepter, par exemple, le fait qu'il y ait des coordinations. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les années 80, il y a une série de secteurs dans lesquels les coordinations sont apparues. Par exemple, chez les instituteurs, chez les infirmières, etc., chez les cheminots. Mais globalement, assez vite, les coordinations ont disparu parce que ça a conduit à des reconfigurations. Par exemple, l'émergence de Sud. Bon. Donc, sur la question des liens, des relations avec les coordinations, au départ, la CGT, dans le spectacle, est réticente. Et puis, elle voit bien que d'un point de vue organisationnel, le fait que les assemblées générales aient un rôle central, déterminant, elle a bien vu qu'elle n'avait pas le choix. C'est-à-dire que soit elle s'opposait à ça, soit elle s'opposait à ça et elle s'isolait totalement, soit elle acceptait ça. Et donc, elle a accepté ça. Et donc, effectivement, par exemple à Lyon, les dirigeants de la coordination lyonnaise sont en partie des militants de la CGT. D'accord ? Actuellement, oui. Oui, oui. Donc, premier problème, mais qui est relativement réglé, entre guillemets, qui est relativement réglé. Les coordinations proposent une forme d'organisation vécue comme démocratique, alors que la CGT proposerait une forme d'organisation vécue comme non démocratique. Alors, cela étant, les coordinations, c'est très joli, c'est très démocratique quand on est dans des phases d'expansion, parce que là, il y a plein de monde, etc., qui discutent. Alors, première remarque, parfois c'est un bordel innommable parce qu'on ne sait plus de quoi on parle, qui vote, etc. Bon. Et deuxième aspect, assez vite, on constate un phénomène où, au fond, le pouvoir, il n'est plus dans l'Assemblée générale, il est détenu par un noyau de militants, qui sont des militants permanents. Et s'ils savent faire, l'Assemblée générale Ouais, ils en font un peu ce qu'ils veulent. On a connu le phénomène, il n'y a pas de problème. Mais alors, je te laisse continuer, parce que j'ai une question après. Mais ça, c'est le premier problème, disons, en termes de démocratie. Et ça, la CGT, globalement, l'a accepté. Le deuxième problème, ou là, qui est beaucoup plus compliqué, c'est la question du lien au salariat. C'est-à-dire, la CGT dit, il faut défendre la société salariale. Il faut défendre le lien. S'il y a un lien de subordination, il y a des règles collectives. Et donc, par exemple, le fait qu'il y ait des gens qui travaillent gratuitement, etc., qui ne respectent pas les conventions collectives. Bon, la CGT se mobilise dans les institutions pour faire respecter les règles collectives et voudrait que les compagnies respectent les règles collectives. Or, les compagnies indépendantes ne peuvent pas respecter les règles collectives. Il y a bien eu un syndicat d'employeurs de petites compagnies, le SINAVI, oui, mais qui a essayé effectivement d'obliger l'ensemble des compagnies à respecter les conventions collectives. Mais personne ne le fait. Oh, je pense qu'il y a eu des progrès quand même qui ont été faits, parce qu'il y a eu une prise de conscience. Oui, d'accord. Enfin, oui. Fondamentalement, moi j'ai vu une assemblée générale d'intermittents où on discutait, etc. Là, oui, on est d'accord, etc. Et puis à un moment donné, là, le délégué de la CGT dit oui, mais alors en ce moment, on est en train de discuter sur la convention collective, les minimums salariales pour la rémunération. Et là, des intermittents qui étaient en même temps directeurs de compagnie disent ah non, c'est pas possible, ça va. Ils ont adopté immédiatement des réflexes de petits patrons. Et là, le responsable de la CGT a dit mais attendez, on va pas revenir aux relations de gré à gré. Or c'est bien ça le problème, c'est bien ça la contradiction fondamentale à la fois des mobilisations d'intermittents, mais l'obstacle fondamental auquel est confrontée la CGT. Oui, mais il y a aussi un changement de perception de ce que c'est que de travailler. On en parlait là pendant que le fado était chanté. Un petit peu, c'était le fait que des gens, à un moment, moi je me suis aperçu que des gens disaient. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est devenir intermittent. Et là, la question, c'est intermittent n'est pas un métier. Intermittent, c'est une appellation dans le cadre du régime d'intermittence. Mais c'est quoi devenir intermittent? C'est être comédien, c'est être éclairagiste, c'est être musicien, c'est être, je sais pas, éventuellement producteur. Oui, mais bien sûr, parce que effectivement, il y a une confusion entre le métier et entre guillemets, parce que c'est un statut. Et effectivement, ça, c'est une autre difficulté de la CGT. La CGT dit, nous, on défend des emplois, des qualifications, et cohérentes. Parce que si je défends des emplois et une qualification, ça rentre dans le cadre des conventions collectives. Et donc, si on a un niveau de qualification, on peut avoir des niveaux de rémunération, etc. Mais c'est pas plus choquant, je m'aperçois là maintenant, ça me vient, que quand, à une certaine période, les gens disaient, je veux être fonctionnaire. C'est-à-dire que c'était plutôt un mode de fonctionnement dans l'emploi qu'un travail précis qui était bien sûr désiré. Ouais. Sauf que, donc voilà le problème. Donc la CGT, en tant qu'organisation syndicale, est confrontée à des tas de jeunes qui, d'une part, ont un lien très distant à l'égard du salariat, qui acceptent plus ou moins de rentrer dans des mondes où il n'y a pas trop de règles, où les règles se négocient de gré à gré, d'individu à individu. Et c'est bien comme ça que ça se passe dans la culture. C'est-à-dire, bon, je t'embauche, mais là, je vais te déclarer, là, je ne vais pas te déclarer, etc., etc. Tout le monde joue avec la règle. Bon. Mais dans des types de relations inter-individuelles. Le comédien ou le technicien négocie avec le directeur de compagnie pour savoir combien de temps il va être déclaré, est-ce que là il va déclarer, à quel niveau de rémunération, etc., etc. Bon, alors que l'organisation syndicale, et puis quand je suis dans une relation de gré à gré, moi je suis comédien, mais je vais accepter de monter, de déplacer les décors, oui, bien sûr, de faire un peu d'administration, etc. Alors que la CGT, dans son histoire, dit mais attendez, moi, nous on défend des qualifications. Il y a des règles et c'est ce monde-là qu'on défend. Bon. Fondamentalement, c'est ça qu'ils défendent. Alors, ils sont obligés de passer des compromis. Mais les compromis ont certaines limites. Hein, parce qu'ils ne peuvent pas dépasser certaines limites. Parce que s'ils dépassent certaines limites, s'ils acceptent certaines limites, c'est l'effondrement du monde salarial. En tant qu'organisation syndicale, elle ne peut pas accepter un monde où tout serait relation de gré à gré. hein, où tout le monde négocierait individuellement les conditions de travail, les conditions d'emploi. Parce qu'elle se nie en tant qu'organisation, et puis aussi, c'est accepter la dégradation générale des conditions d'existence. Alors là, Serge, il est 12h57, il nous reste très peu de temps. Alors là, on vient d'ouvrir les perspectives de débat énormes, parce qu'effectivement, c'est la relation au travail, et on le voit bien dans la réforme pour les retraites ou contre la retraite, ça émerge. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans une vie? Quelle est la relation aux loisirs? Quelle est la relation aux employeurs? Quel plaisir on peut avoir à travailler? Donc, comment tu pourrais conclure cette intervention que tu as faite sur le syndicalisme dans le monde du spectacle vivant? C'est-à-dire qu'évidemment, beaucoup de gens y entrent et sont prêts à sortir du cadre salarial parce qu'ils ont le sentiment que de trouver un grand intérêt à l'activité qu'ils ont dans le monde artistique. Bon. Et d'un certain point de vue, ils peuvent se dire que être précaire pour précaire, précaire, faut travailler chez McDo, il vaut peut-être mieux être précaire qu'en travaillant dans la culture parce que je vais avoir des gratifications secondaires plus importantes en quelque sorte. Hein. Parce que, je monte sur un plateau, il y a des personnes qui m'applaudissent, il y a des gratifications symboliques puissantes. Bon, le seul problème évidemment, hein, et c'est en ce sens que ça c'est le paradoxe du régime de l'intermittence, et que c'est aussi pour ça que le régime de l'intermittence, d'un certain point de vue, c'est le rêve de tout employeur, hein, parce que sous prétexte d'avoir des satisfactions dans le métier, est-ce qu'on peut accepter la dilution de la société salariale? Parce que c'est bien de ça qui, c'est bien de ça qui est en jeu dans la discussion actuellement en cours sur la question de l'intermittence. Oui, c'est une question énorme. Bien sûr, qui mériterait peut-être au moins une heure pour pouvoir commencer à y répondre. Parce que c'est sûr que le plaisir de travailler, moi je regrette pas du tout d'avoir fonctionné dans ce système-là, parce que j'ai mené ma vie tel que je le voulais et je n'ai pas eu l'impression d'être exploité ou quoi que ce soit. Fais partie des survivants. Mais je fais partie des survivants, ouais. J'ai fait partie des survivants. Hein. Tu as des milliers, des dizaines de milliers de jeunes qui, sous prétexte de satisfaction plus ou moins importante dans l'emploi, eh bien, acceptent une dégradation de leurs conditions de travail. Hein, ouais. Et acceptent des formes, et ça, on me le dit régulièrement une fois que le micro est éteint, hein, on accepte des formes plus ou moins prononcées de néolibéralisme dans les champs du spectacle. Mais ça en est, hein. C'est la toute fin de cette émission qui va se terminer avec le générique d'ici un instant. Merci Serge, merci Roland. On va terminer alors sans agenda pour cette émission du mois, mais on vous renvoie en tout cas sur le site dédié, je le rappelle, pour le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, www.gremos.fr, où vous retrouvez les émissions mises en ligne, ainsi que d'autres actualités, articles, publications et autres sources et ressources. On se retrouve le mois prochain, ce sera donc pour la mensuelle d'avril, troisième jeudi du mois comme habitude, c'est-à-dire que nous nous retrouverons le jeudi 20 avril prochain. D'ici là, portez-vous très bien, très bonne fin de journée et bonne fin de semaine. À très bientôt, au revoir.